Isanganiro. Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique promet un dialogue avec les syndicats sur la contribution des élections et l'organisation de lutte contre les malversations économiques trouve que tout devrait se faire en respectant la loi. Vous entendrez respectivement Pascal Barandaguié, ministre de l'Intérieur, et Gabriel Rouftiri, président de l'Olucom. Le contrat d'exploitation du nickel de Moussongati en province Routana n'a pas été résilié comme certains le pensent, mais les travaux ne peuvent pas commencer sans énergie ni chemin de fer. Vous entendrez Jean-Claude Ndouayo qui nous le dira. Il est directeur général de l'Office burundais des mines et carrières. Et puis dans ce journal également, plus de 260 mètres de fil électrique ont été volés sur les poteaux se trouvant sur la colline Egifungwe de la zone Moussegni en commune Manda. Nous appellerons notre correspondant Spes Caritas Kamanyana. Et différents pays africains réagissent au propos de Donald Trump qui a qualifié les pays africains de pays de merde. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique promet un dialogue avec les syndicats sur la contribution des élections. Toutefois, Pascal Barandaguié met en garde toute personne qui tenterait de torpiller le processus de contribution aux élections. Cependant, il invite ceux qui estiment avoir des motifs de ne pas contribuer de s'adresser à son ministère à travers une correspondance. Suivez Pascal Barandaguié, c'est le ministre burundais de l'Intérieur. C'est une opportunité aussi de lancer un appel aux syndicats. On a déjà entendu certains membres des syndicats qui apparemment n'entendent pas de la même façon cette procédure de collecte avec le gouvernement. C'est une occasion de les interpeller. Comme nous l'avons déjà dit, nous comptons faire un dialogue avec eux, mais sans qu'ils prétendent contribuer une entorse à la contribution aux élections. Étant entendu que la contribution aux élections a été sollicitée et demandée par les Burundais eux-mêmes lors du dialogue entre les Burundais eux-mêmes qui a été organisé. Et ils ont demandé que le Burundi contribue et même aux élections. C'est d'ailleurs un exercice qui a été déjà fait de par le passé et qui se fait même dans les autres pays. Et même, on le voit souvent, ce sont les étrangers qui contribuent pour les élections dans les pays en Afrique. Pourquoi donc nous, les Burundais, nous ne pouvons pas contribuer nous-mêmes en faveur de la démocratie, étant d'ailleurs entendu que la Constitution elle-même elle nous demande à tenir la démocratie comme un devoir à tous. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, et l'Organisation de lutte contre les malversations économiques indiquent que la contribution pour les élections de 2020 devrait se référer à l'ordonnance ministérielle. Gabriel Rouftiri dit être étonné de voir certains responsables qui font une collecte d'argent à côté de la retenue sur salaire qui était prévue. Le chef de cette association demande qu'un dialogue social se fasse entre le gouvernement et les syndicats pour que la contribution aux élections respecte la loi. Suivez Gabriel Rouftiri, président de l'Olucom. L'Olucom est d'accord pour contribuer au bon déroulement des élections au Burundi. Mais l'Olucom ne comprend pas comment l'argent est prévu dans le budget depuis 2016 jusqu'à 2020. Il est vraiment inadmissible de voir que les lois qui devaient être suivies sont en train d'être violés. Je parlais de la Constitution, de la loi organique des finances publiques, de la loi budgétaire, de la loi régissant des finances communales. Toutes ces lois sont claires en matière de collecte, de gestion et de contrôle des finances publiques. Il y a des contributions qui sont en train d'être collectées deuxième fois, troisième fois, qui demandent des fonctionnaires ou d'autres groupes organisés de contribuer pour que l'autorité hiérarchique puisse voir qu'ils sont en train de contribuer. C'est le cas des gouverneurs, c'est le cas de certains ministres, par exemple le ministère de la Santé. Autre chose à signaler, c'est que dans l'ordonnance, il est mentionné que le montant devait commencer à être collecté fin janvier. On est au début du mois de janvier. Comme solution au niveau de l'Oricom, d'un côté, il faut respecter la loi, de l'autre côté, il faut un dialogue social. Je sais que le gouvernement va forcer pour demander cet argent, mais je ne pense pas que les résultats pourront être satisfaisants. C'est Gabriel Ruffieri, président de l'Olucom. Ces réactions interviennent à la suite des réclamations des syndicats CNTS et de la COSIBU, la Confédération des syndicats du Burundi, qui réclament un dialogue social sur la manière de contribuer pour les élections. Bientôt 13h06 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit dans les titres, l'OBM, le contrat d'exploitation du nickel de Musongati en province Rutana, n'a pas été résilié comme certains le pensent. C'est ce que dit le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, Jean-Claude Ndouayo, qui explique que les travaux sont au point mort suite au manque d'énergie et de chemin de fer. Il précise que la vente des terres rares de Gakara a déjà commencé. Suivez-le, il est au micro de Mireille Kanyang. La vente a déjà commencé. Jusqu'à maintenant, on a déjà vendu environ 50 tonnes. Mais normalement, c'est prévu qu'on va 5000 tonnes par an. Bien que les travaux ont proprement commencé, on est encore au niveau du montage de l'usine et de traitement. Parce que pour trouver le concentré, il faut tout un processus. Ça prend énormément de temps pour la construction. Mais on espère qu'on va exporter chaque semaine au moins 100 tonnes de concentré. Le nickel de Musongati. Maintenant, est-ce que les travaux continuent? Est-ce que le nickel est exploité? Où en sont les travaux? On ne peut pas dire que les travaux continuent. Les travaux sont, je dirais, aux arrêts. Pourquoi? Parce que pour l'exploitation du nickel, ça demande énormément d'énergie. Ça demande aussi le chemin de fer. Ça, jusqu'à maintenant, on n'en a pas. Mais aussi, la chose primordiale qui a fait que actuellement il n'y a rien qui se fait actuellement, c'est la chute du prix. Si on avait commencé d'exploiter, ça serait une perte énorme pour le pays. Vous parlez de cours au niveau mondial qui ont chuté, mais dans la convention entre BMM et le gouvernement burundais, c'est bel et bien mentionné que c'est BMM qui devrait construire 3 barrages hydroélectriques. Et alors, comment se fait-il que les travaux s'arrêtent alors que ce n'est pas au pays de construire ces centrales? Oui, j'en conviens, mais peut-être je peux aussi vous retourner la question. Supposons qu'on avait déjà commencé à construire ces barrages hydroélectriques. Ça fait déjà 3 ans. Et que le prix n'a pas encore monté. Et que le chemin de fer n'est pas encore construit. Qu'est-ce qu'on allait faire avec cette électricité? Mais aussi, si on avait terminé à construire ces barrages et que le chemin de fer est là et que le prix reste encore bas, ça serait aussi quelque chose de perte pour le pays. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas encore résiliation du contrat. Le pays ne peut pas jusqu'à maintenant résilier le contrat. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autor que le pays acquise bien même. On voit toujours, mais cela n'empêche pas que si jamais les prix montent sur le marché et que bien même ne fait rien, le pays est en droit de résilier le contrat. Mais au moment où je vous parle, il n'y a pas de raison qui peut pousser le pays à résilier le contrat. Jean-Claude Ndouayo, directeur général de l'Office burundais des mines et carrières. Et puis, une réunion est prévue la semaine prochaine pour arranger encore une fois l'occupation des stands au marché dit Kotebu, annonce faite par le conseil économique du maire de la ville de Bujumbura, après qu'il ait été constaté des irrégularités au sein de ce marché. Suivez plutôt Christophe Kinshasa, c'est le conseil économique du maire de la ville de Bujumbura. Il est au micro d'Ornella Mocho. C'est vraiment dommage que il y ait des commerçants qui étalent les marchandises, les vivres faits encore là, à côté du marché de Kotebu. C'est vraiment dommage. Parce que les places sont très vides dans le marché. Des fois, on les ramène dans les places à l'intérieur du marché et ils ressortent aussitôt après. Et c'est un phénomène que nous-mêmes, on ne parvient pas à comprendre. Alors, les choses vont rester comme ça ou vous avez prévu de faire quelque chose pour que le marché soit fonctionnel et en ordre. Ce que nous préconisons faire, c'est refaire, parce que c'était déjà fait à maintes reprises. Hein. On a détecté des enquêtes pour voir effectivement les stands qui sont inoccupés à l'intérieur du marché. Et là, ça a été fait par le commissaire du marché. Et je crois que la semaine prochaine, on procédera à une rencontre, à une réunion avec les représentants de ces marchands, de ces commerçants des vivres frais. J'espère que nous aimerions encore une fois leur dire que que les places leur sont réservées à l'intérieur du marché, qu'ils doivent les occuper et que les clients vont les rejoindre là-bas. À la limite, si les places sont insuffisantes, les grossistes vont rester à l'extérieur parce que eux, ils ne causent pas de problème parce que généralement à 9h, ils ont déjà déguerpi et ils ne sont plus au marché de côté. Christophe Kinshasa, c'est le conseiller économique du maire de la ville de Bujumbura. Économie toujours avec cette pénurie d'essence dans la ville de Rumonge et ses environs depuis ce jeudi. Les passagers demandent que ce problème trouve une solution de façon définitive. Jean-Pierre Misago. La pénurie du carburant de type essence est rapportée dans la ville de Rumonge et ses environs de oui, lundi de cette semaine qui touche à sa fin. 2 ou 3 stations dans les 9 que compte la ville de Rumonge et ses environs ont distribué. Et depuis ce jeudi, les réservoirs se sont vidés. Depuis lors, le marché noir en vend entre 3000 francs et 3500 francs burundais le litre, informe certains chauffeurs interrogés. Ce vendredi, le ticket de transport était à sa valeur habituelle, mais certains chauffeurs font savoir que si la situation perdure, la hausse du prix du ticket de transport est inévitable car ne pouvant pas travailler à perte. Les passagers voudraient que ce problème répétitif et qui influe sur les prix d'autres produits de première nécessité trouve solution durable. Certains commerçants d'essence disent qu'ils attendent une livraison de leurs fournisseurs au moment où d'autres se gardent de tout commentaire. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Rumonge. Nous nous rendons à Muyinga où nous retrouvons notre correspondant Dieudonné Zeimana qui nous rapporte que les forces de sécurité mettent en garde les malfaiteurs qui se cachent dans les quartiers. Ils prétendent qu'ils sont en train de partager des idées patriotiques alors que c'est faux. Alors Dieudonné Zeimana, vous êtes en ligne depuis Muyinga. Ça a été dit au cours d'une réunion de sécurité ce samedi. Et le gouverneur de cette province avec la population, les habitants de Muyinga, demandent qu'ils ne soient pas confondus aux malfaiteurs pour la simple raison qu'ils habitent dans les quartiers soupçonnés d'abriter les malfaiteurs Dieudonné. Exactement, des malfaiteurs se cachant au sein de la population organisent des réunions clandestines dans certains quartiers de la ville de Muyinga, tel Mukoni, Swahili et Kinyota. Jérôme Nibogura, commissaire de police à Muyinga, lance un message clair, le fait attire le fait. Les complices seront ciblés au même titre que l'ennemi, déclare-t-il. La stratégie des ennemis a été débusquée. En attendant le moment convenu de perturber l'ordre, ils se faufilent au sein des honnêtes citoyens et feignent de respecter l'autorité, révèle le commissaire Jérôme. Même son de cloche chez Domitien Yonguru, commissaire régional de la police dans la province de Muyinga, Karuzi et Changuzo. Que ceux qui rêvent de la perturbation de la sécurité cherchent un intérêt vacant et non au sein de la population. Dans ton sévère, il a même invité les informateurs des radios en ligne à livrer le message pour que tout Burundais, y compris l'ennemi, comprenne qu'en matière de sécurité, la police est prête à affronter qui que soit d'où qu'il viendra. Dans une réunion tenue par le gouverneur de la province de Muyinga ce samedi à l'endroit des habitants du chef-lieu de la province de Muyinga, les habitants des quartiers pointés du doigt ont surtout demandé au code de sécurité de ne pas globaliser. Aline Mani Rabarusha, gouverneur de la province de Muyinga, a plutôt rassuré, chacun répondra de ses actes, mais a surtout demandé à tout un chacun de dénoncer les présumés malfaiteurs, appel particulièrement lancé aux femmes qui parfois couvrent leurs époux. Merci Dieudonné, je rappelle que vous êtes en direct depuis Muyinga et que la réunion se termine à l'instant même. À Boubanza maintenant, plus de 260 mètres de fil électrique ont été volés sur les poteaux se trouvant sur la colline Gifugwe de la zone Mosenyi en commune Manda, c'est dans la province de Boubanza. Les habitants de cette colline demandent à la police d'organiser souvent des fouilles dans des véhicules de transport, mais aussi ils proposent qu'il y ait des rafles sur le marché afin de voir où ces fils sont vendus. Spes Caritas Kabanyana. Les habitants de cette colline de Gifugwe, zone Mosenyi, dans la commune de Manda, disent qu'ils passent souvent la nuit dans l'obscurité, que ce soit dans leur ménage, dans les quartiers ou sur les routes, suite à ce vol de fil électrique. Au cours de la semaine passée, c'est plus de 260 mètres qui ont été descendus sur les poteaux. Et c'est après beaucoup d'autres qui ont été volés dans les mois passés, selon l'administration locale. Ces volés qui ne sont pas encore identifiés montent sur ces poteaux en pleine nuit, au moment où le courant est déjà interrompu, selon les élus collinaires à Gifugwe. Les habitants de Gifugwe, obligés souvent d'acheter encore d'autres fils, demandent à la police de mener des fouilles dans les véhicules qui vont à Bujumbura, surtout pendant la nuit. Mais aussi, il propose qu'il y ait des rafles sur les marchés afin de voir où ces fils sont vendus, étant donné que quand on demande un raccordement électrique à la régie des eaux, on est obligé d'acheter des fils dans les maisons de vente de la régie des eaux même et non ailleurs. Pour dire que les fils qui seraient attrapés sur d'autres marchés seraient suspectés selon les habitants de la colline Gifugwe, Spes Caritas Kabanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. On parle de l'éducation. Le problème de manque d'enseignants qui s'observe dans certaines écoles est connu au niveau du ministère de l'Éducation. Jouma Edouard, porte-parole de ce ministère, indique que le processus de recrutement est en cours. Il précise que les quotas par province sont actuellement au ministère des Finances pour validation. Jouma Edouard demande au directeur des écoles d'aménager les horaires de manière à ce que les enseignants qui seront recrutés aient suffisamment de temps pour les rattrapages. Suivez-le. Tout à fait. Comme vous le savez, le ministère vient d'organiser une opération de redéploiement des enseignants qui a permis une redistribution des enseignants en fonction des besoins réels sur terrain. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que le redéploiement n'a pas résolu le problème de manque d'enseignants totalement. Il subsiste donc par-ci par-là des enseignants qui sont pas disponibles. La solution, il y en a pas deux ou trois. La solution, c'est trouver un enseignant. C'est ce que le ministère est en train de faire maintenant, sur base des besoins réels qui ont été mis en évidence par l'opération de redéploiement. Le ministère a déjà dressé les quotas de recrutement pour essayer de pallier déjà à ce manque d'enseignants. Et mais le processus prend un peu de temps parce que nous avons autour de 1000 enseignants qui seront recrutés. Suivant un processus le plus transparent possible, nous devons faire approuver les besoins du ministère et tous ces quotas-là par le ministère des Finances avant d'entamer les procédures proprement dites de recrutement. Nous en sommes là pour l'instant. Nous comptons maintenant sur les directions scolaires, l'organisation des directions scolaires pour que, effectivement, les horaires soient aménagés de manière à ce que dès qu'un enseignant est disponible, on puisse organiser des séances de rattrapage pour aller vite. Mais nous avons également mis en place depuis quelques temps des réseaux scolaires qui regroupent des écoles proches, qui permettent à ces écoles de pouvoir mutualiser les ressources aussi bien humaines que matérielles pour qu'il y ait cet esprit d'entraide au sein de communautés scolaires. Ça, c'est aussi une voie, une piste que les directions scolaires peuvent exploiter en attendant que les professeurs attitrés arrivent. Jouma Edouard, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation. À partir de ce 13 janvier, le Maroc abrite la 5e édition des compétitions du championnat d'Afrique des Nations CHAN, une compétition des joueurs évoluant dans les clubs locaux des 16 pays africains. La communauté de l'Afrique de l'Est est représentée par 3 pays, à savoir le Rwanda, le Soudan et l'Ouganda, dans cette édition qui prendra fin le 4 février prochain. La République démocratique du Congo, vainqueur du trophée de l'édition précédente qui s'est déroulée au Rwanda, est absente de cette compétition. Les pays qui ont la chance de prendre la coupe de cette année sont le Maroc, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et puisque nous parlons de l'Afrique, sachez que les réactions d'indignation et de protestation fusent de presque partout en Afrique. Après les propos de Donald Trump, le président américain, qui a qualifié les pays africains de pays de merde, Placide Niyomongere a lu pour nous quelques-unes de ses réactions. La colère des pays africains s'illustre sur les réseaux sociaux et par des gestes diplomatiques, écrit la Radio France Internationale. Au Sénégal, le président Macky Sall, en personne, a réagi sur Twitter. Il dit être choqué et condamne vigoureusement les propos de Donald Trump. Pour lui, je cite, « L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous », une position qui a été signifiée à l'ambassadeur américain à Dakar. Pour le Botswana, Gaborone a convoqué l'ambassadeur américain pour protester contre les propos du président Donald Trump, qualifié par ce pays d'irresponsable et de répréhensible. Et Botswana va plus loin et demande à Washington de clarifier sa position et de dire si ce pays est perçu comme un pays de merde. Juste à côté, en Afrique du Sud, c'est le parti au pouvoir qui se prononce. Il qualifie les propos du patron de la Maison Blanche d'offensant. Toujours sur les propos du président américain au Sud-Soudan, le gouvernement parle de déclarations scandaleuses. Et quant au Togo, un pays africain qui a soutenu la reconnaissance des États-Unis de Jérusalem comme capitale, c'est l'opposition qui s'insurge contre les propos de Donald Trump. Plus loin encore, écrit la RFI, l'Organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir. Les ambassadeurs du groupe africain ont exigé vendredi dans un communiqué au langage très fort une rétractation et excuses au président Donald Trump condamna ses propos, qualifiant de racistes, signalant de son côté que le président américain Donald Trump, à travers son réseau social Twitter, a écrit qu'il a bel et bien prononcé des mots très forts, mais qu'il n'a pas du tout parlé de pays de merde. Merci Placide Niyomongere. C'est sur ces réactions africaines sur les propos de Trump que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Mireille Kanyange me rejoint dans ce studio pour le journal des journaux. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu revient dans son éditorial sur des descentes du gouvernement tout azimut pour expliquer les amendements apportés à la Constitution de 2005, des descentes effectuées depuis un mois. C'est son initiative, le projet lui tient tant à cœur, écrit Iwachu. Il doit expliquer à la population la nécessité de changer certaines dispositions. À en croire notre confrère, pour certains observateurs, cette campagne faite seulement par l'initiateur du projet est une façon tacite de convaincre, influencer le peuple à voter oui. Les opposants à l'amendement de la Constitution et la société civile en exil, farouches défenseurs de l'accord d'Arusha, tentent d'entrer dans le jeu, mais leurs cris sont vite étouffés. Cette opposition qualifie la situation de deux poids deux mesures. De son côté, la plateforme de l'opposition radicale Senared appelle au boycott. Elle parle d'une mascarade d'un boulevard vers la guerre civile. Selon toujours l'éditorialiste, la situation risque de se compliquer. La Commission électorale nationale indépendante devrait jouer son rôle et l'assumer, donner un message clair et ferme et éviter des fuites en avant. L'éditorialiste estime qu'il faudrait que la CENI convoque une réunion à l'intention du gouvernement et d'autres acteurs politiques pour une mise au point. L'agence en ligne NetPress écrit également sur cette campagne d'explication des articles amendés. Le président de la Chambre basse du Parlement burundais, Pascal Nyabenda, au cours de sa visite en province de Rumonge au sud du pays, a affirmé que il n'est pas encore temps d'entamer la campagne de voter oui ou non. Nous sommes venus pour vous expliquer le contenu de certains articles de la loi fondamentale à réviser, a-t-il dit. D'autre part, l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique et porte-parole de ce ministère, Terence Naira Aja, qui était parmi la délégation, a invité la population de Rumonge à voter oui. Un administratif à la base dévoile l'existence d'une nouvelle boisson très alcoolisée fabriquée dans la mairie de Bujumbura appelée Inhoneseri, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Un membre du conseil collinaire de Kigwati 1 en zone Rukaramu, qui a requis l'anonymat, a indiqué vendredi 12 janvier 2018 à l'ABP qu'il venait de déverser 780 litres d'umudiringi, mais qu'il y a une autre boisson très alcoolisée fabriquée dans la capitale Bujumbura, vendue à Rukaramu, appelée Ingoneseri. Une fois que cette boisson est interceptée, il y a des pressions qui sont exercées sur nous, a-t-il révélé, ajoutant qu'ils reçoivent des coups de téléphone en provenance de la capitale, leur demandant de laisser passer cette boisson. Cette révélation a été faite au cours d'une réunion de sécurité tenue vendredi par le gouverneur de la province Bujumbura, Madame Nadine Gachuti. Quant au commissaire provincial de Bujumbura, il a rétorqué que c'est un mensonge et a conseillé à ces gens qui disent recevoir des coups de téléphone de lui donner des numéros qui ont téléphoné pour qu'ils suivent l'affaire. Il dénonce cependant une implication de certains administratifs à la base qui ferment les yeux face à la commercialisation de ces stupéfiants du fait qu'ils y trouveraient un intérêt pécuniaire. Revue de la presse. Halte à la vente des produits transformés non certifiés, écrit le journal Burundi Echo. Les entrepreneurs sont appelés à faire certifier leurs produits transformés avant de les mettre sur le marché. C'est dans l'optique de protéger les consommateurs contre les dangers que les produits non certifiés peuvent causer, d'agrandir les marchés d'écoulement, de promouvoir les exportations et de contribuer au développement du pays. Selon le docteur François Havyarimana, directeur du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN, ce n'est pas le commerçant qui prouve que son produit est de bonne qualité, c'est plutôt le BBN. Pour qu'un produit transformé soit exporté, il doit être certifié par le BBN. Monsieur Havyarimana informe que quand on exporte beaucoup, la balance commerciale devient excédentaire. Selon toujours lui, c'est un moyen efficace pour le pays d'avoir beaucoup de devises. Après l'eurodéploiement, les commissions électorales dépouillent les écoles d'enseignants, écrit le journal La Voix de l'enseignant. Les membres des commissions électorales indépendantes provinciales et communales proviennent pour la plupart du personnel enseignant dans toutes les provinces, sauf en mairie de Bujumbura. Elle demande que le ministère en charge de l'éducation autorise l'utilisation des enseignants vacataires. En effet, écrit le journal La Voix de l'enseignant, les membres de ces commissions sont à majorité constitués d'enseignants. À titre exemplatif, sur les 11 membres de la commission électorale provinciale indépendante d'Okayanza, 8 sont des enseignants. À Chibitoke, il y a 5 enseignants sur les 8 qui forment la CEPI. Le lycée Chibitoke a fourni à lui seul 2 enseignants, dont un chimiste et un anglophone. À Ruyigi, Makamba et Kirundo, ce sont les mêmes effectifs des enseignants qui sont allés prester comme membres des commissions. Les directions scolaires ne savent pas sur quel pied danser. Enfin, pourquoi certains hommes burundais n'aiment pas porter leurs alliances, s'interroge la communauté des blogueurs Yaga. J'ai constaté que plusieurs hommes mariés ont souvent un malaise en rapport avec les bagues de leur mariage. En effet, il est difficile de comptabiliser le nombre exact d'hommes mariés qui perdent leurs alliances et refusent de les remplacer. Ce symbole, qui fut jadis le lien et l'attache auprès de sa dulcinée, devient un simple objet qu'on n'a pas besoin de chérir, voire une entrave. Souvent, j'ai entendu dire que certains craignent la marque laissée par une alliance, renchérit Lobby. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de presse. Elle vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Mireille Kanyange. Un excellent week-end chez vous. À la prochaine.